I'm a steady rolling man. I roll both night and day. I haven't got no sweet woman. Boys to bury rolling this away. I'm a man that rolls when I shake a hanging on a tree. And now you hear me howling, baby. Down on my bed and knee. I'm a hard-working man. I've been for many years, I know. And some creep pulls you in my mind. I never be no more. You can't give your sweet woman everything she wants at one time. With boys to get around in your brain. Some monkey men on their mind. I'm a steady rolling man. I roll both night and day. But haven't got no sweet woman. boys, to bring rolling this away. Merci beaucoup. Attends. Non, parce qu'il y a un mec qui vient de me dire, Mathieu, attends, vous prenez trop de temps. Ça va être l'heure de se quitter ? Non ! Oui ! Oui ! Oui ! Si ! Vous n'allez pas gagner. Hein. Combien moi, j'ai de temps encore ? J'ai des enfants, moi. Vas-y, dis, c'est mon manager. Hein. Putain, c'est sympa. Avant le rappel ? Une chanson d'un bluesman belge. Ah, tu vois ? Eux, ils savent, ils n'ont pas rigolé. Hein ? Pas comme hier soir. Ouais, mais il a demandé si ça existait. On a été ravis de passer cette soirée avec vous, en tout cas. Merci beaucoup, beaucoup de votre accueil. Merci pour cette ambiance de pure folie. Non, mais c'est bon, tu vas prendre tes cachets tout à l'heure. Et, ouais, tout ça, va bien. Ça va me calmer. En tout cas, merci beaucoup et longue vie à la faïencerie alors.